Troisième journée, chapitre 2. Dehors, Pierre et Monsieur de Guersin marchèrent lentement, au milieu du flot sans cesse accru de la foule endimanchée. Le ciel était d'un bleu pur, le soleil embrasait la ville, et il y avait dans l'air une gaieté de fête, cette joie vive des grandes foires qui mettent au plein jour la vie de tout un peuple. Quand ils eurent descendu le trottoir encombré de l'avenue de la Grotte, ils se trouvèrent arrêtés au coin du plateau de la Merlasse, tellement la cohue y refluait parmi le continuel défilé des voitures. « Nous ne sommes pas pressés, » dit Monsieur de Guersin. « Mon idée est de monter à la place du Marcadal dans la vieille ville, car la servante de l'hôtel m'y a indiqué un coiffeur dont le frère loue des voitures à bon compte. Ça ne vous fait rien d'aller par là ?»« Moi ?» s'écria Pierre. « Mais où vous voudrez, je vous suis. »« Bon, et par la même occasion, je me ferai raser. » Ils arrivaient à la place du Rosaire, devant les gazons qui s'étendent jusqu'aux gaves, lorsqu'une rencontre les arrêta de nouveau. Madame Desagneaux et Raymonde de Jonquière étaient là, qui causaient gaiement avec Gérard de Perlongue. Toutes deux avaient des robes claires, des robes légères de plage, et leurs ombrelles de soie blanche luisaient au grand soleil. C'était une note jolie, un coin de caquetage mondain, avec des rires frais de jeunesse. « Non, non !» répétait Madame Desagneaux. « Nous n'allons bien sûr pas visiter votre popote comme ça, au moment où tous vos camarades mangent !» Gérard insistait, très galant, se tournant surtout vers Raymonde, dont la face un peu épaisse s'éclairait ce jour-là d'un charme rayonnant de santé. « Mais je vous assure, c'est très curieux à voir. Vous seriez admirablement reçue. Mademoiselle, vous pouvez vous confier à moi. Et d'ailleurs, nous trouverions là certainement mon cousin Berthaud, qui serait enchanté de vous faire les honneurs de notre installation. » Raymonde souriait, disait de ses yeux vifs qu'elle voulait bien. Et ce fut alors que Pierre et Monsieur de Guersin s'approchèrent pour saluer ces dames. Tout de suite, ils furent mis au courant. On nommait la popote une sorte de restaurant de table d'hôte que les membres de l'hospitalité de Notre-Dame de Salut, les brancardiers, les hospitaliers de la Grotte, des piscines et des hôpitaux, avaient fondé pour manger en commun à bon marché. Comme beaucoup d'entre eux n'étaient pas riches, l'hospitalité se recrutant dans toutes les classes, ils étaient parvenus, en versant chacun 3 francs par jour, à faire 3 bons repas, et il leur restait même de la nourriture qu'ils distribuaient aux pauvres. Mais ils administraient tout eux-mêmes, achetaient les provisions, recrutaient un cuisinier, des aides, ne reculaient pas devant la nécessité de donner en personne un coup de main pour la bonne tenue du local. « Ça doit être très intéressant !» s'écria Monsieur de Guersin. « Allons donc voir ça, si nous ne sommes pas de trop !» La petite Madame Desagneaux, dès lors, consentit. « Ah, du moment qu'on y va en bande, je veux bien. Je craignais que ce ne fût pas convenable. » Et comme elle riait, tous se mirent à rire. Elle avait accepté le bras de Monsieur de Guersin, tandis que Pierre marchait à sa gauche, pris de sympathie pour cette gaie petite femme, si vivante, si charmante, avec ses cheveux blonds ébouriffés et son teint de lait. Derrière, Raymonde venait au bras de Gérard, qu'elle entretenait de sa voix posée, en demoiselle très sage, sous son air de jeunesse insoucieuse. Et puisqu'elle tenait enfin le mari tant rêvé, elle se promettait bien de le conquérir cette fois. Aussi le grisait-elle de son parfum de belle fille saine, tout en l'émerveillant par son entente du ménage, de l'économie sur les petites choses. Car elle se faisait donner des explications au sujet de leurs achats, et elle lui démontrait qu'ils auraient pu réduire encore leurs dépenses. « Vous devez être horriblement fatigué !» demanda Monsieur de Guersin à Madame Desagneaux. Elle eut une révolte, un cri de véritable colère. « Mais non ! Imaginez-vous que la fatigue m'a terrassée dans un fauteuil hier, dès minuit à l'hôpital. Et alors, ces dames ont eu le cœur de me laisser dormir. » De nouveau, on se mit à rire. Mais elle restait hors d'elle. « De façon que j'ai dormi pendant 8 heures, comme une souche, moi qui avais juré de passer la nuit. » Le rire finissait par la gagner, et elle éclata à belles dents blanches. Une jolie garde-malade. C'est cette pauvre madame de Jonquière qui a veillé jusqu'au jour. J'ai tâché en vain de la débaucher, de l'emmener avec nous tout à l'heure. Raymonde, qui avait entendu, éleva la voix. Oh oui, cette pauvre maman, elle ne tenait plus sur ses jambes. Je l'ai forcée à se mettre au lit, en lui jurant qu'elle pouvait dormir tranquille, que tout marcherait très bien. Et elle eut, pour Gérard, un clair regard rieur. Il crut même sentir une pression imperceptible du bras frais et rond qu'il avait sous le sien, comme si elle s'était montrée heureuse d'être ainsi seule avec lui, pouvant régler ensemble, sans personne, leurs petites affaires. Cela le ravissait, et il expliqua que, s'il n'avait pas mangé avec ses camarades ce jour-là, c'était qu'une famille amie, qui partait, l'avait invité dès 10 heures au buffet de la gare, et rendu à sa liberté après le départ du train de 11h30. « Ah, les gaillards » reprit-il. « Vous les entendez ?» On arrivait. On entendait en effet tout un vacarme de jeunesse qui sortait d'un bouquet d'arbres sous lequel se cachait le vieux bâtiment de plâtre et de zinc où la popote s'était installée. D'abord, il leur fit traverser la cuisine, une vaste pièce, fort bien aménagée, occupée par un grand fourneau et une vaste table, sans compter des marmites immenses. Et il leur montra que le cuisinier, un gros homme réjoui, portait lui-même la croix rouge sur sa veste blanche, car il faisait partie du pèlerinage. Ensuite, il poussa une porte, il les introduisit dans la salle commune. C'était une longue salle, où un double rang de simples tables de sapin était aligné. Il n'y avait pas d'autres meubles, rien qu'une autre table pour la desserte et des chaises de cabaret au siège de paille. Mais les murs passés à la chaux, le carreau d'un rouge luisant, tout paraissait très propre dans ce dénuement voulu de réfectoire monacal. Et surtout, ce qui faisait sourire dès le seuil, c'était la gaieté enfantine qui régnait là. 150 convives environ, de tous les âges, en train de manger avec un bel appétit, criant, chantant, applaudissant. Une fraternité extraordinaire les unissait, venus de partout, de toutes les classes, de toutes les fortunes, de toutes les provinces. Beaucoup ne se connaissaient pas, se coudoyaient chaque année pendant 3 jours, vivaient en frères, puis repartaient et s'ignoraient le reste du temps. Rien n'était charmant, comme de se retrouver dans la charité, de mener ces 3 journées communes de grande fatigue, de joie gamine aussi. Et cela tournait un peu à la partie de grands garçons lâchés ensemble, sous un beau ciel, heureux de se dévouer et de rire. Il n'était pas jusqu'à la frugalité de la table, à l'orgueil de s'administrer soi-même, de manger ce qu'on avait acheté et ce qu'on avait fait cuire, qui n'ajouta à la belle humeur générale. « Vous voyez, expliqua Gérard, que nous ne sommes pas tristes malgré le dur métier que nous faisons. L'hospitalité compte plus de 300 membres, mais il n'y a guère là que 150 convives, car on a dû organiser 2 tables pour faciliter le service, à la grotte et dans les hôpitaux. » La vue du petit groupe de visiteurs, resté sur le seuil, semblait avoir redoublé la joie de tous. Et Berthaud, le chef des brancardiers, qui mangeait à un bout de table, se leva galamment pour recevoir ces dames. « Mais ça sent très bon !» s'écria Madame des Agneaux de son air d'étourdi. « Est-ce que vous ne nous invitez pas à goûter votre cuisine demain ? » « Ah non, pas les dames !» répondit Berthaud en riant. « Seulement, si ces messieurs voulaient bien être des nôtres demain, ils nous feraient le plus grand plaisir. » D'un coup d'œil, il avait remarqué la bonne intelligence qui régnait entre Gérard et Raymonde, et il semblait ravi. Il souhaitait beaucoup pour son cousin ce mariage. « N'est-ce pas le marquis de Salmon-Roquebert ? » demanda la jeune fille. « Là-bas, entre ces deux jeunes gens, qu'on prendrait pour des garçons de boutique. » « Ce sont en effet, répondit Berthaud, les fils d'un petit papetier de Tarbes. Et c'est bien le marquis, votre voisin de la rue de Lille, le propriétaire de ce royal hôtel, un des hommes les plus riches et les plus nobles de France. Voyez comme il se régale de notre ragoût de mouton. » Et c'était vrai, le marquis, avec ses millions, semblait tout heureux de se nourrir pour ses 3 francs par jour, de s'attabler démocratiquement en compagnie de petits bourgeois et même d'ouvriers qui n'auraient point osé le saluer dans la rue. Ces convives de hasard, n'était-ce point la communion sociale en pleine charité? Lui, ce matin-là, avait d'autant plus faim qu'il avait baigné aux piscines 60 de malades, tous les maux abominables de la triste humanité. Et autour de lui, il y avait à cette table la réalisation de la communauté évangélique. Mais elle n'existait sans doute, si charmante et si gaie, qu'à la condition de ne durer que 3 jours. Monsieur de Guersin, bien qu'il sortît de déjeuner, eut la curiosité de goûter le ragoût de mouton. Il le déclara parfait. Pendant ce temps, Pierre, qui avait aperçu le baron Suire, le directeur de l'hospitalité, se promenant avec quelque importance, comme s'il se fût donné la tâche d'avoir l'œil à tout, même à la façon dont se nourrissait son personnel, se rappela brusquement le désir ardent que Marie lui avait exprimé de passer la nuit devant la grotte, et il pensa que le baron pourrait prendre sur lui d'accorder la permission demandée. « Certainement, » répondit celui-ci, devenu grave. « Nous tolérons cela parfois. Mais c'est toujours si délicat. Vous me certifiez bien au moins que la jeune personne n'est pas phtisique. Allons, puisque vous dites qu'elle y tient si fort, j'en dirai un mot au père Fourcade, et je préviendrai madame de Jonquière pour qu'elle vous la laisse emmener. » Il était brave homme au fond, malgré son air d'homme indispensable, accablé des responsabilités les plus lourdes. À son tour, il retint les visiteurs. Il leur donna, sur l'organisation de l'hospitalité, des détails complets. Les prières dites en commun, les 2 conseils d'administration tenus par jour, où assistaient les chefs de service, ainsi que les pères et certains des aumôniers. On communiait le plus souvent possible. Puis c'était des besognes compliquées, un roulement de personnel extraordinaire, tout un monde à gouverner d'une main ferme. Il parlait en général qui remporte chaque année une grande victoire sur l'esprit du siècle. Et il renvoya Berthaud finir de déjeuner. Il voulut absolument reconduire ces dames jusqu'à la petite cour sablée ombragée de beaux arbres. Très intéressant, très intéressant, répétait madame des Agneaux. Oh, monsieur, combien nous vous remercions de votre obligeance. Mais du tout, madame. C'est moi qui suis enchantée d'avoir eu l'occasion de vous montrer mon petit peuple. Gérard n'avait pas quitté Raymonde. Monsieur de Guersin et Pierre se consultaient déjà du regard pour se rendre enfin à la place du Marcadal, lorsque madame des Agneaux se rappela qu'une amie l'avait chargée de lui expédier une bouteille d'eau de Lourdes, et elle questionna Gérard sur la façon dont elle devait s'y prendre. « Voulez-vous, dit-il, m'accepter encore pour guide? Et tenez, si ces messieurs consentent à nous suivre, je vous ferai voir d'abord le magasin où l'on emplit les bouteilles, qui sont bouchées, mises en boîte, puis expédiées. C'est très curieux. » Tout de suite, monsieur de Guersin consentit, et les 5 se mirent en marche. Madame des Agneaux, entre l'architecte et le prêtre, tandis que Raymonde et Gérard allaient devant. La foule grandissait au brûlant soleil. La place du Rosaire débordait d'une cohue vague et badaude, comme en un jour de réjouissance publique. D'ailleurs, l'atelier se trouvait là, à gauche, sous une des arches. C'était une série de trois salles, fort simples. Dans la première, on emplissait les bouteilles, et de la façon la plus ordinaire du monde, un petit tonneau de zinc, peint en vert, traîné par un homme, revenait plein de la grotte, assez semblable à un tonneau d'arrosage. Puis, au robinet, tout bonnement, les bouteilles de verre pâle étaient emplies, une à une, sans que l'ouvrier en bourgeron veillât toujours à ce que l'eau ne débordât pas. Il y avait une continuelle mare par terre. Les bouteilles ne portaient pas d'étiquette. La capsule de plomb par-dessus le bouchon de beau liège avait seule une inscription indiquant la provenance, et on l'enduisait d'une sorte de céruse pour la conservation sans doute. Ensuite, les deux autres salles servaient à l'emballage, un véritable atelier d'emballeurs, avec les établis, les outils, les tas de copeaux. On y fabriquait surtout des boîtes d'une et de deux bouteilles, des boîtes joliment faites, dans lesquelles les bouteilles étaient couchées sur un lit de fine rognure. Cela ressemblait assez au magasin d'expédition pour les fleurs à Nice et pour les fruits confits à Grasse. Gérard donna des explications d'un air tranquille et satisfait. « Vous le voyez ? L'eau vient bien de la grotte, ce qui met à néant les plaisanteries déplacées qui circulent. Et il n'y a pas de complications. Tout est naturel, se passe au grand jour. Je vous ferai remarquer, en outre, que les pères ne vendent pas l'eau comme on les en accuse. Ainsi, une bouteille pleine achetée ici se paye 20 centimes, le prix du verre. Si vous vous la faites expédier naturellement, il y aura en plus l'emballage et l'expédition. Elle vous coûtera 1,70 franc. Vous êtes d'ailleurs libre d'emplir à la source tous les bidons et tous les récipients qu'il vous plaira d'apporter. » Pierre songeait que là-dessus, le bénéfice des pères ne devait pas être gros, car ils ne gagnaient guère que sur la fabrication des boîtes et que sur les bouteilles, qui, prises par milliers, ne leur coûtaient certainement pas 20 centimes pièce. Mais Raymond et Madame des Agneaux, ainsi que Monsieur de Guersin, à l'imagination vive, éprouvaient une grande déception devant le petit tonneau vert, les capsules empâtées de céruse, les tas de copeaux autour des établis. Ils devaient s'être imaginé des cérémonies, un certain rite pour mettre en bouteille l'eau miraculeuse, des prêtres en vêtements sacrés donnant des bénédictions, tandis que des voix pures d'enfants de cœur chantaient. Et Pierre finit par penser, en face de cet embouteillage et de cet emballage vulgaire, à la force active de la foi. Quand une de ces bouteilles arrive très loin, dans la chambre d'un malade, qu'on la déballe et qu'il tombe à genoux quand il s'exalte à regarder, à boire cette eau pure, jusqu'à provoquer la guérison de son mal, il faut vraiment un saut extraordinaire dans la toute-puissante illusion. « Ah ! » s'écria Gérard, comme tous sortaient. « Voulez-vous voir le magasin des cierges avant de monter à l'administration ? C'est près d'ici. » Et il n'attendit pas leur réponse. Il les entraîna de l'autre côté de la place du Rosaire, n'ayant au fond que le désir d'amuser Raymonde. À la vérité, le spectacle du magasin des cierges était encore moins récréatif que celui des ateliers d'emballage d'où il sortait. C'était, sous une des arches de droite, une sorte de caveau, de cellier profond, que des bois de charpente divisaient en vastes cases. Au fond de ces cases s'entassait la plus extraordinaire provision de cierges, triés et classés par grandeur. Le trop-plein des cierges donnés à la grotte dormait là, et ils étaient chaque jour si nombreux que des chariots spéciaux, où les pèlerins les déposaient près de la grille, venaient se déverser plusieurs fois dans les cases, puis retournaient s'emplir. Le principe était que tout cierge offert devait être brûlé au pied de la Vierge. Mais ils étaient trop. 200 de toutes les grosseurs avaient beau flamber jour et nuit, jamais on n'arrivait à épuiser cet effroyable approvisionnement dont le flot montait sans cesse. Et le bruit courait que les pères se trouvaient forcés de revendre de la cire. Certains amis de la grotte avouaient eux-mêmes, avec une pointe d'orgueil, que le rendement des cierges aurait suffi à faire marcher toute l'affaire. La qualité seule stupéfia Raymonde et Madame des Agneaux. Que de cierges ! Que de cierges ! Les petits surtout, ceux qui coûtaient de 10 sous à 1 franc, s'empilaient en nombre incalculable. Et Monsieur de Guersin, exigeant des chiffres, s'était lancé dans une statistique où il se perdit. Pierre, muet, regardait cet amas de cire offerte pour être brûlé en plein ciel à la gloire de Dieu. Et bien qu'il ne fût pas utilitaire, qu'il comprît le luxe des joies, des satisfactions illusoires qui nourrissent l'homme autant que le pain, il ne pouvait s'empêcher de songer aux aumônes qu'on aurait faites avec l'argent de toute cette cire destinée à s'en aller en fumée. « Eh bien, et ma bouteille que je dois envoyer ?» demanda Madame des Agneaux. « Nous allons au bureau, » répondit Gérard. « C'est l'affaire de 5 minutes. » Il leur fallut retraverser la place du Rosaire et monter par l'escalier qui conduisait à la basilique. Le bureau se trouvait en haut, à gauche, à l'entrée du chemin du calvaire. Le bâtiment était tout à fait mesquin, une cahute de plâtre, ruinée par les vents et la pluie, portant un écriteau, une simple planche, avec ces mots « S'adresser ici pour messe, don, confrérie, intention recommandée, envoi d'eau de Lourdes, abonnement aux annales de Notre-Dame de Lourdes ». Et que 2 millions déjà avaient passé par ce bureau misérable, qui devait dater de l'âge d'innocence, lorsqu'on jetait à peine les fondations de la basilique voisine. Tous entrèrent, curieux de voir. Mais ils ne virent qu'un guichet. Madame des Agneaux dut se baisser pour donner l'adresse de son amie, et quand elle eut versé 1,70 francs, on lui tendit un mince reçu, le bout de papier que délivre l'employé au bagage dans les gares. Dehors, Gérard reprit, en montrant un vaste bâtiment à 200 ou 300 mètres. « Regardez, voici l'habitation des pères de la grotte. »« Mais on ne les voit jamais, » fit remarquer Pierre. Le jeune homme, étonné, resta un instant sans répondre. « On ne les voit jamais, évidemment, puisqu'ils abandonnent tout, la grotte et le reste, aux pères de l'Assomption, pendant le pèlerinage national. » Pierre regardait l'habitation, qui ressemblait à un château fort. Les fenêtres restaient closes, on aurait cru la maison déserte. Tout sortait de là pourtant, et tout y aboutissait. Et le jeune prêtre, croyant entendre le muet et formidable coup de râteau qui s'étendait sur la vallée entière, ramassant le peuple accouru, ramenant chez les pères l'or et le sang des foules. Mais Gérard continua, à voix basse. « Et tenez, vous voyez bien qu'il se montre. Voici justement le révérend père directeur Cap de Barthe. » Un religieux passait, en effet. Un paysan, à peine dégrossi, au corps noueux, avec une grosse tête, taillée comme à coups de serpe. On ne lisait rien dans ses yeux opaques. Et son visage fruste gardait une pâleur terreuse, le reflet roux et morne de la terre. Monseigneur Laurence, autrefois, avait fait un choix vraiment politique en confiant l'organisation et l'exploitation de la grotte à ses missionnaires de garnison, si tenaces et si âpres, presque tous fils de montagnards, amants passionnés du sol. Alors, lentement, les 5 redescendirent par le plateau de la Merlasse, le large boulevard qui contourne la rampe de gauche et qui rejoint l'avenue de la grotte. Il était déjà 1 heure passée, Mais le déjeuner continuait dans toute la ville débordante de foule. Les 50 000 pèlerins et curieux n'avaient pu encore s'asseoir à la file devant les tables. Pierre, qui avait laissé à l'hôtel la table d'hôte pleine, qui venait de voir les hospitaliers se serrer de si bon cœur à la table de la popote, retrouvait des tables nouvelles, toujours des tables. Partout, on mangeait. Mais ici, au grand air, aux deux côtés de la vaste chaussée, c'était le petit peuple qui envahissait les tables dressées sur les trottoirs. De simples planches longues, flanquées de deux bancs, couvertes d'une étroite tente de toile. On y vendait du bouillon, du lait, du café à dessous la tasse. Les pains dans de hautes corbeilles coûtaient également 2 sous. Pendus aux bâtons qui soutenaient la tente, se balançaient des liasses de saucissons, des jambons, des andouilles. Quelques-uns de ces restaurateurs en plein vent faisaient frire des pommes de terre, d'autres accommodaient de basses viandes à l'oignon. Une fumée âcre, des odeurs violentes montaient dans le soleil, mêlées à la poussière que soulevait le continuel piétinement des promeneurs. Et des queues patientaient devant chacune des cantines. Les convives se succédaient sur les bancs, le long de la planche, garnie de toiles cirées, où il y avait à peine, en largeur, la place des 2 bols de soupe. Tous se hâtaient, dévoraient, dans la fringale de leur fatigue, cet appétit insatiable que donnent les grandes secousses morales. La bête retrouvait son tour, se gorgeait après l'épuisement des prières infinies, l'oubli du corps au ciel des légendes. Et c'était, par ce ciel éclatant des beaux dimanches, un véritable champ de foire, la gloutonnerie d'un peuple en goguette, la joie de vivre, malgré les maladies abominables et les miracles trop rares. « Ils mangent, ils s'amusent, que voulez-vous ? » dit Gérard, qui devina les réflexions de l'aimable société qu'il promenait. « Ah ! » murmura Pierre, « c'est bien légitime, les pauvres gens. » Lui était vivement touché de cette revanche de la nature. Mais quand ils se retrouvèrent au bas du boulevard, sur le chemin de la grotte, il fut blessé par l'acharnement des vendeuses de cierges et de bouquets, dont les bandes errantes assaillaient les passants avec une rudesse de conquête. C'était pour la plupart des jeunes femmes, les cheveux nus ou la tête couverte d'un mouchoir, qui montraient une extraordinaire effronterie. Et les vieilles n'étaient guère plus discrètes. Toutes, un paquet de cierges sous le bras, brandissaient celui qu'elles offraient, poussaient leurs marchandises jusque dans les mains des promeneurs. « Monsieur, madame, achetez-moi un cierge, ça vous portera bonheur !» Un monsieur, entouré, secoué par 3 des plus jeunes, faillit laisser les pans de sa redingote. Puis l'histoire recommençait pour les bouquets, de gros bouquets ronds, ficelés rudement, pareils à des choux. « Un bouquet, madame, un bouquet pour la Sainte Vierge !» Si la dame s'échappait, elle entendait derrière elle de sourdes injures. Le négoce, l'impudent négoce, raccrochait ainsi les pèlerins jusqu'aux abords de la grotte. Non seulement il s'installait triomphant dans toutes les boutiques, serrées les unes contre les autres, transformant chaque rue en un bazar, mais il courait le pavé, barrait le chemin, promenait sur des voitures à bras des chapelets, des médailles, des statuettes, des images pieuses. De toutes parts, on achetait. On achetait presque autant qu'on mangeait pour rapporter un souvenir de cette kermesse sainte. Et la note vive, la gaieté de cette âpreté commerciale, de cette bousculade des camelots, venait encore des gamins lâchés au travers de la foule et qui criaient « Le journal de la grotte !» Leur mince voix aiguë entrait dans les oreilles. « Le journal de la grotte !» Le numéro paru ce matin, 2 sous, le journal de la grotte. Au milieu des poussées continuelles, dans les remous du flot sans cesse mouvant, la société se trouva séparée. Raymonde et Gérard restèrent en arrière. Tous deux s'étaient mis à causer doucement, d'un air d'intimité souriante. Il fallut que Madame des Agneaux s'arrêtât, les appela. « Arrivez donc, nous allons nous perdre !» Comme ils se rapprochaient, Pierre entendit la jeune fille dire « Maman est si occupée, parlez-lui avant notre départ !» Et Gérard répondit « C'est entendu, vous me rendez bien heureux, mademoiselle !» C'était le mariage conquis et décidé pendant cette promenade charmante parmi les merveilles de Lourdes. Elle, toute seule, avait achevé de vaincre. Et lui venait enfin de prendre une résolution, en la sentant à son bras si gai et si raisonnable.